Son 89e chapitre, la chute. Les premiers Chinois qu'ils rencontrèrent s'enfuirent à la vue de ces forcenés qui brandissaient en hurlant leur lourde massue. « En avant, en avant !» criait toujours Fabien, qui n'avait plus à ce moment aucune conscience du danger. On atteignit une vaste cour qui était absolument déserte, puis on arriva dans un second couloir, à l'extrémité duquel se trouvait une porte. D'un coup de poutre, le Parisien fit voler en éclats les panneaux de cette porte, qui s'effondra avec un bruit terrible. Déjà les aviateurs étaient parvenus au mur d'enceinte. Ce dernier avait près de 5 mètres de hauteur. Ils ne pouvaient donc songer à l'escalader. « Cherchons une issue !» hurla Fabien. « Courage, mes amis, nous allons sortir d'ici !» Un factionnaire armé d'un fusil avait aperçu les fugitifs. Il se dissimula dans une encoignure et fit feu sur Fabien, mais sa balle passa au-dessus de la tête du Parisien. « Maladroit !» s'écria celui-ci. « Ah, ça va te coûter cher, mon gaillard! Je vais te montrer ce qu'il en coûte de me prendre ainsi pour cible !» Déjà, il était sur le factionnaire et l'assommait avec sa massue de bois. Le coup de feu avait donné l'éveil. Bientôt, des Chinois apparurent de tous côtés et tirèrent sur les aviateurs. Mais ceux-ci, protégés par des arceaux qui longeaient la muraille, parvinrent à gagner l'entrée du palais. Une grille de fer dans laquelle s'ouvrait une petite porte défendait l'accès de la résidence du gouverneur. Fabien n'eut qu'à tourner un bouton et la porte minuscule s'ouvrit. Les fugitifs étaient dehors. Là, ils retrouvèrent Dick qui les accueillit, comme on pense, avec une joie folle. « Au hangar, au hangar !» cria Fabien. « Filons tout droit, nous en avons pour 5 minutes à peine !» Déjà une troupe d'hommes armés s'était lancée à la poursuite des aviateurs. On les entendait hurler avec rage. Sans doute criait-il à ceux qui se trouvaient au bout de la rue d'arrêter les fuyards. Mais ceux-ci, avec leur massue de bois, avaient une attitude tellement résolue que le vide se faisait devant eux instantanément. Pourtant, 4 policemen taillés en Hercule tentèrent de se jeter sur les aviateurs. Sous les coups de Grondard et de Fabien, ils roulèrent sur le sol comme des capucins de cartes, en poussant des hurlements de douleur. Fabien triomphait. « Hardi, hardi, mes amis !» ne cessait-il de répéter. « Enfoncez, les Chinois !» Avant d'atteindre le hangar, nos amis eurent encore quelques attaques à repousser, mais ils étaient animés d'une telle énergie que personne ne pouvait leur résister. On ne saurait s'imaginer les prouesses dont sont capables quelques hommes résolus, décidés à reconquérir leur liberté. Monsieur Voirin et ses compagnons étaient arrivés au hangar. Ils en enfoncèrent la porte, sortirent immédiatement l'appareil et Grondard mit le moteur en marche. Quelques minutes après, il s'élevait. « Sauvé !» s'écria Fabien. « Et c'est à vous que nous le devons, mon ami !» dit l'ingénieur en serrant la main du brave garçon. « Bah, ne parlons pas de cela !» dit le Parisien. « Je n'ai rien fait de plus que vous. Le principal, c'est que nous soyons maintenant hors d'atteinte. Avez-vous vu ces maudits Chinois qui voulaient nous retenir en prison? Ils ne nous connaissaient pas. Est-ce que des Français se laissent faire comme cela? Maintenant, ils peuvent courir après nous. Ils ne sont pas prêts de nous revoir. » Hélas, il était dit que les aviateurs n'étaient pas encore au bout de leur peine. Cette journée devait être pour eux fertile en incidents. À peine avait-il parcouru quelques centaines de mètres que le moteur eut soudain dératé et s'arrêta net. Ce fut miracle si l'aéroplane ne se brisa point sur le sol en atterrissant. Mais grâce à l'habile manœuvre de Grondard, il toucha terre sans trop d'avarie. « Eh bien, il ne manquait plus que ça !» fit Fabien d'un air navré. « C'est vraiment de la guigne !»« On a dû toucher au moteur !» dit Grondard. Car il était en parfait état lorsque nous avons remisé l'appareil. « Qui sait ?» fit Monsieur Voirin. « Steiner est peut-être passé par là. Cet homme est le diable en personne. » Comme le disait Grondard, Steiner était en effet passé par là. Quelque temps après son attentat, Et lorsqu'il avait vu l'aéroplane français atterrir dans Tingaï, l'Allemand avait laissé son appareil à la gare de Walder et, en compagnie de Gartner, il était entré dans la ville. Le bandit n'était jamais à court d'imagination. La veille, dans la ville, il s'était rendu au palais du gouverneur, avait demandé à parler à celui-ci et lui avait raconté ce que l'on sait. Comment douter de la parole d'un homme qui semblait si sincère? Le gouverneur avait fait aussitôt vérifier les déclarations de Steiner et n'avait pas tardé à apprendre qu'en effet, des aviateurs inconnus avaient incendié les bois de Namatoi. Steiner, son coup fait, avait jugé inutile de demeurer dans Tingaï. Bien qu'il eût merveilleusement préparé son coup, il ignorait cependant si, après enquête, les choses ne tourneraient pas à son désavantage. Il avait rejoint Walder, demeuré, comme nous l'avons dit, à la garde de l'aéro, et avait attendu les événements. Que risquait-il à présent? Il pourrait fuir à la première alerte et disparaître pour toujours. Il était cependant curieux d'apprendre ce qui se passerait. Avant de se remettre en route, il voulait savoir s'il était, oui ou non, débarrassé de ses ennemis. La nuit se passa sans qu'il le vît reparaître. « Tout va bien, » dit-il à ses amis. « Nous sommes enfin arrivés à immobiliser ces démons de Français. » « Bah !» avait répondu Walder. « À quoi cela nous servira-t-il, puisque nous sommes disqualifiés ?»« Disqualifiés? Peut-on jamais savoir? Les incidents sont si nombreux, si compliqués, que dès notre retour en France, il sera très difficile de prouver ce que nos concurrents avanceront. Ils auront pour eux des témoignages, mais nous en aurons aussi, et les choses s'embrouilleront joliment. Laissez faire! Nous n'avons peut-être pas encore perdu la partie !» Steiner s'illusionnait sans doute, mais ce qui était certain, c'est qu'à ce moment même, il tenait, comme on dit vulgairement, le bon bout. Au matin, rien ne se produisit et les Allemands allaient se remettre en route quand tout à coup, Steiner poussa un épouvantable juron. Il venait d'apercevoir le monoplan français qui venait droit sur eux. « Tu n'as donc pas exécuté mes ordres ?» dit-il à Gartner. « Je t'avais cependant bien recommandé de t'introduire dans le hangar et de saboter leur moteur. »« Je l'ai fait, » répondit l'Allemand. « Si tu l'avais fait, il n'aurait pas pu repartir. Tu es un maladroit, tu... » Steiner n'acheva pas. Déjà l'aéro-français piquait une tête vers le sol. « Tu vois, » dit Gartner, « que j'ai bien exécuté tes ordres. »« Oui, je le vois. Excuse mon emportement, mais il était compréhensible, n'est-ce pas ?»